Impezanao, le scoutisme raconté à mon époque. Sixième épisode, entre filles, entre gars ou tous ensemble. Nous, on a voulu un mouvement mixte, parce que c'est la coéducation, les enfants, les garçons, filles. Bien sûr, tout ce qui est couchage, de toute façon, au niveau réglementaire, c'est assez clair. Mais en tout cas, tout ce qui est activité, il y a la mixité. Finalement, on en parle assez peu en tant qu'en parler, parce qu'en fait, on le vit et on n'a pas besoin de faire des discours. Voilà, il n'y a pas d'activité pour les filles, il n'y a pas d'activité pour les garçons. Si une fille, je ne peux pas porter quelque chose de lourd, je suis un garçon, je ne fais pas la cuisine. On le vit au quotidien et les discussions, elles viennent peut-être un peu plus tard. Je pense vraiment que c'est un cadre où on peut permettre à des filles, à des garçons de vivre ensemble dans un... d'une manière où justement il y a moins une pression sociale, etc. et où ça peut révéler plein de trucs chouettes. Alors moi j'aime énormément le fait que ça soit non mixte parce qu'on apprend à grandir, on apprend à faire des amitiés avec des filles. On a besoin des autres pour se découvrir et ces autres personnes, ce ne seront pas des garçons qui vont nous apprendre à nous découvrir mais plus des filles. Et finalement, ces amitiés qu'on a à l'âge de surtout 15 ans, 16 ans, 17 ans, elles sont importantes. Moi je pense qu'il faut oser l'avoir ce débat. Pas forcément sur internet parce que ça marche pas forcément bien, mais voilà, c'est essentiel d'aborder les questions d'égalité homme-femme et d'égalité femme-homme même et de féminisme en fait. Vraiment, moi j'appuie dessus parce que grâce à ça, j'ai pu grandir au milieu de filles. J'ai toujours énormément d'amis filles, j'ai peu d'amis garçons, mais au moins les amis garçons que j'ai, eh ben, sont sincères et sont magnifiques parce que j'aurais su mettre des limites et savoir jusqu'où je peux aller pour que ça reste vrai et que ça reste une amitié. Merci d'avoir écouté le sixième épisode de Impezanao, le scoutisme raconté à mon époque. Je suis Grégoire Dubois, j'ai produit et réalisé ce podcast, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous redonne d'ailleurs les principales si vous voulez inciter vos proches à écouter Impezanao sur leur application habituelle, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Google ou Apple Podcast, SoundCloud et même YouTube. Une série audio documentaire hébergée sur archive.org et distribuée par PodCloud. La musique est composée par Timothée Mazurel et dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Abdelak, Maé, Samuel et Pauline. Vos réactions, vos questions, impezanao@gmail.com et sur les comptes Twitter et Facebook du documentaire. Dans le prochain épisode, la religion, la spiritualité, la laïcité, un élément important dans le scoutisme fondateur qui est aujourd'hui vécu un peu à la carte entre des mouvements de toutes les religions et d'autres non confessionnel, c'est le programme chargé de l'épisode 7.